arrête de me dire ce qui t'attise le plus. Je reconnais la petite pince qui traîne au puce. La pourriture qui découpe pour en avoir plus. Je pousse plus ta caisse, je donne plus d'espèces. Deux visages près de toi, la journée et la nuit. Un putain d'ami, un putain d'ennemi. Deux bras longs qui serrent dans ta caisse. Baisse leur mère aux hypocrites, c'est mon style de vie. Je suis méchant, malheureusement trop d'indiques. La picouche des bâtards qui partent derrière ton dos. J'aurais bien voulu être un pro, derrière un prolique. Entre deux visages, tu reconnais les gueules d'anges qui balisent. Mais bon les frères, faisons ce qu'on a à faire. Faisons ce qu'on a à faire. Le visage d'un soi-disant caïd qui sourit jamais, règlement de compte, ok. N'importe qui peut tirer. D'un côté, on dit que t'es un fou, ok. De l'autre côté, tu trembles comme une feuille bloquée, paralysée. Un ami l'a poignardé, droit dans les yeux. Aujourd'hui, même les potes font les putes trop. Jouent un double jeu, on sait plus qui est qui. À qui faire confiance, la confiance, ils la prennent plutôt. Je me fie à mon instinct. Depuis que j'ai vu, j'ai appris, appris à démasquer les faussaires. Ceux qui te check et t'enculent par derrière, par derrière, par derrière. A fait trop de drames. Le visage de la frappe qui tourne dans nos cités. Le visage de la faim qui rôde dans le monde entier. Le visage de la faim sali dans le JT. Le visage de la cave a fait trop de drames. Le visage de la frappe qui tourne dans nos cités. Le visage de la faim qui rôde dans le monde entier. Le visage de la faim sali dans le JT. Comme ce pote considéré comme ton ami et derrière toi fait tout pour détourner ta mise. Quand cette meuf qui fait la sainte les touche prétend être vierge, crie quand tu la touches. Quand ce rappeur qui fait gangster derrière le micro en fait est une baltringue, un polo, un mytho. Quand ce mec de test tombé dans la fashionnerie danse la tectonique, arrêtez vos conneries. Comme la France face à l'égalité des chances, c'est navrant, constate et regarde la différence. Comme beaucoup avec la religion pour la prière en cas de problème, ça c'est pas bon. Le visage de cette femme enceinte qui tue son enfant, style de la cave et défonce dans l'alcool perdu, dans la sorte perdue, dans la conscience. Le visage de ce rabbin qui s'allonge seul, qui a peur de mourir, qui a peur de souffrir. Le visage d'un petit qui perd son père à l'âge de 13 piges. Vois la vie d'un autre sang chaque jour, assis sous le banc de l'école. Le visage d'un grand du quartier qui dit sur son petit frère et sortiront Inch'Allah. Qui perd sa fierté, qui tient pas ses promesses. Le visage de cette fillette qui ment à sa mère, qu'elle dit qu'elle va au marché alors qu'elle va se prostituer. Le visage de la cave a fait trop de drames. Le visage de la frappe qui tourne dans nos cités. Le visage de la femme qui rôde dans le monde entier. Le visage de la femme sali dans le JT. Le visage de la cave a fait trop de drames. Le visage de la frappe qui tourne dans nos cités. Le visage de la femme qui rôde dans le monde entier. Le visage de la femme sali dans le JT. J'ai la gueule touchée par le passé qui me sous-estime la gueule. La tête souvent dans des délits, faut tenir le flingue. Pas tomber plus bas que la déprime. J'ai la gueule à fond dans le béton pour finir d'une carrière de ballon. Faut pas que je laisse tout béton. L'école où la barrette, la gueule dans la cagoule pour finir au ballon. Mon visage croque la vie à pleine dans la vie est belle. La gueule aux deux visages, le bon le bonheur, le bon le malheur. J'ai la haine, rien que tu ponges t'as le malheur. Au visage qui fait le receleur, au visage qui croit bien faire de son plein cœur. On est dans la balance d'un des frères pour que ça te brise le cœur. Le visage de la mort, le visage d'un porc qui abat ce jeune. Le visage ce jeune qui lui vend la mort approche. Les proches partent, les buts écartent. Moi sur le beach m'éclate. Le visage d'un peuple décimé par une guerre. Le visage d'un famas braqué sur ta tempe. Le visage du Hamas traqué sur la bande de Gaza. Check ça, c'est ça. Le visage de Senzo, de Senzo, de Senzo, de Senzo. A fait trop de drames. Le visage de la frappe qui tourne dans nos cités. Le visage de la faim qui rôde dans le monde entier. Le visage de la femme sali dans le JT. Le visage de la cave a fait trop de drames. Le visage de la frappe qui tourne dans nos cités. Le visage de la faim qui rôde dans le monde entier. Le visage